avancer, Inch'Allah, avancer. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى عباد الله يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه عباد الله قد يكون الدين سببا للمصائب وقد يقول قائل كيف تكون الديون مصيبة الجواب أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدين له أثر على العبد في الدنيا وفي القبر ويوم القيامة أما في الدنيا يا عباد الله فإنه يزيل الأمن ويجلب الخوف والاضطراب والهم والغم قال صلى الله عليه وسلم لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها قالوا وما ذاك يا رسول الله قال الدين صححه الألباني وبين ذلك عليه الصلاة والسلام لما سئل عن سبب استعاذته من المأثم والمغرم قال عليه الصلاة والسلام لأن العبد إذا غرم حلف فكذب ووعد فأخلف يوقعه الدين يا عباد الله في المعصية يحلف بالله عز وجل أنه سيسدد الدين في يوم كذا فيكذب ويوعد بأن يدفع في يوم كذا فيخلف وهذه من صفات أهل النفاق وعياذا بالله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وللدين يا عباد الله أثر في القبر وفي الحديث المشهور لما قدم الصحابة رضي الله عنهم رجلا قد مات حنطوه وكفنوه وقدموه للنبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه فتقدم صلى الله عليه وسلم ثم تراجع قال هل عليه من دين قالوا نعم ديناران وفي بعض الروايات هل ترك من قضاء قالوا لا قال عليه الصلاة والسلام صلوا على صاحبكم وهذا كان في أول الإسلام كان يرفض النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على من عليه دين ولا قضاء له عنده ثم بعد ذلك تحمل النبي صلى الله عليه وسلم قضاء الديون عن المديونين فقالوا عليه ديناران قال فصلوا على صاحبكم فقال أبو قتادة رضي الله عنه هما علي يا رسول الله فصلى النبي صلى الله عليه وسلم على ذلكم الرجل فلقي النبي صلى الله عليه وسلم أبا قتادة من الغد فقال ما فعلت بالدينارين ما فعلت بالدينارين يا أبا قتادة قال أبو قتادة رضي الله عنه يا رسول الله قد مات أمس ما سددت ما عليه فذهب أبو قتادة رضي الله عنه من الغد فدفع المبلغ لصاحبه فقال يا رسول الله قد دفعت عنه أو قضيت عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن بردت عليه الجلدة وأما يوم القيامة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن القصاص يوم القيامة بسبب الديون من الحسنات والسيئات وقال عليه الصلاة والسلام كل نفس معلقة بدينها حتى يقضى عنها وأخبر أن الإنسان محبوس عن الجنة بدينه إذن يا عباد الله الدين مصيبة عظيمة وكرب وخصب عظيم إذ أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نلجأ إلى الله عز وجل في دعائنا لكي يقضي عنا هذا الدين أو يحمينا منه. اللهم اللهم اقض الدين عن المدينين ولا تجعلها سببا لعذابنا يا رب العالمين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما مزيدا. سشير عباد الله، فالله عز وجل نديد القرآن Oh, vous qui avez cru, quand vous contractez une dette à échéance ou jusqu'à une échéance déterminée, mettez-la par écrit. Et sachez, ya ibad Allah, que les dettes peuvent engendrer d'énormes problèmes et un grand désastre. Il se peut que certains d'entre vous sûrement se posent la question, comment eh bien, la dette peut être un désastre ou peut entraîner de gros problèmes? La réponse est que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a informé que la dette a des effets sur la personne dans sa vie d'ici-bas, et qu'elle a des effets également sur la personne dans sa tombe, et qu'elle a également des effets au jour de la résurrection. Concernant les effets dans ce monde, c'est que la dette fait que la personne ne se sentira jamais en sécurité et ne se sentira pas apaisée. Et la dette amènera à cette personne la crainte, la peur, le désarroi, les soucis, l'inquiétude, le chagrin et le dépit. D'après Uqba ibn Amir, radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « N'effrayez pas vos propres personnes après qu'elles aient été en sécurité. » Alors les compagnons, radiallahu anhum, lui ont dit « Comment cela est-il possible au messager d'Allah? Comment est-ce qu'on peut effrayer nos propres personnes après avoir été en sécurité ?» Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la dette, le fait de s'endetter et de demander des choses aux gens et de promettre de les rendre, c'est ça une dette. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam explique cela également lorsqu'on l'a questionné sur la cause du pourquoi il cherchait refuge contre les occasions de commettre des péchés et contre les dettes excessives. Il a dit alayhi salatu wa sallam, parce que si le serviteur a des dettes excessives, il jurera et il mentira. Et il promettra et il ne tiendra pas son engagement. La dette, ya ibad Allah, le fera tomber dans les péchés. Il jurera par Allah Azza wa Jal qu'il va rembourser sa dette tel et tel jour. Il dira, Allah, il va te rembourser. Ou il promettra de s'acquitter de sa dette tel jour. Il ne tiendra pas son engagement. Il dira, t'inquiète pas. Ya Foulain, je vais te rendre ton argent à tel jour ou telle date. Et il ne tiendra pas sa promesse. Et le fait de faire cela, ya ibad Allah, eh bien ce sont des caractéristiques des gens de l'hypocrisie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, parmi les caractéristiques des gens de l'hypocrisie, lorsqu'il parle, il ment, et lorsqu'il fait une promesse, il ne la tient pas, wal'iyadu billah. Et sachez aussi que les dettes, ya ibad Allah, ont des effets dans la tombe, ont des effets sur la personne, dans sa tombe, dans le hadith qui est connu, d'après Jabir, radiallahu anhu. Il a dit, un homme parmi nous mourut, après que nous l'ayons lavé, après que nous l'ayons parfumé et mis dans son linceul, nous allons voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il s'avance et qu'il prie sur lui. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est avancé, puis il a fait demi-tour et il a demandé au compagnon, a-t-il des dettes? Est-ce que cet homme a des dettes? Nous dîmes, les compagnons ont dit, il a 2 dinars de dettes. 2 dinars de dette. Et dans une autre version, est-ce qu'il a laissé de quoi rembourser sa dette? Alors les compagnons ont dit non. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit prier sur votre compagnon. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas voulu prier sur cette personne. Et il en était ainsi au début de l'islam. Parfois on amenait au prophète sallallahu alayhi wa sallam un homme mort qui avait des dettes et il demandait à qui laisser quelque chose pour rembourser ses dettes. Si on lui disait qu'il a laissé quelque chose, il priait sur lui dans le cas contraire. il disait priez sur votre compagnon. Puis lorsqu'Allah Azza wa Jal a ouvert les conquêtes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est rapporté dans le Bukhari wa Muslim, il a dit je suis responsable des croyants, quiconque meurt en laissant des dettes, je me charge de la payer. Mais au début de l'islam, comme ce hadith eh bien, est rapporté, eh bien, c'était au début de l'islam, cet homme avait 2 dinars de dettes. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit priez sur votre compagnon. Abu Qatada radiallahu anhu a décidé donc de prendre en charge les 2 dinars de dette de cette personne. Il alla voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit au messager d'Allah, je vais payer pour lui les 2 dinars. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié sur lui, a prié sur cette personne. Le lendemain, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rencontré Abu Qatada et il lui a dit, oh Abu Qatada, qu'as-tu fait avec les 2 dinars? Est-ce que tu as remboursé, est-ce que tu les as donnés à son propriétaire? Alors Abu Qatada radiallahu anhu a dit, oh messager d'Allah, mais il est mort juste hier. Je n'ai pas eu le temps de donner à cet homme eh bien, ces 2 dinars, à son créancier, les 2 dinars. Alors le lendemain, Abu Qatada radiallahu anhu remboursa la dette de cet homme qui était de 2 dinars. Et ensuite, il alla voir le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, en lui disant qu'il avait remboursé le créancier de cet homme. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, voilà maintenant, tu as rafraîchi la peau de cet homme, mis dans sa tombe. De là, on voit que la personne, quand elle a des dettes, elle se fait châtier dans sa tombe, iyadou billah. Et quant aux effets de la dette sur la personne le jour de la résurrection, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que le jour des comptes, le jour où est-ce que, eh bien, il y aura le talion, eh bien, le talion se fera avec les bonnes actions et les mauvaises actions. C'est-à-dire que si tu as une dette, tu donneras des bonnes actions à ton créancier. Et si tu n'as pas assez de bonnes actions, eh bien, on prendra de ces mauvaises actions, on te mettra sur ton compte, wal'iyadu billah. Et d'après Abu Huraira, radiallahu anhu, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, l'âme du croyant est accrochée à sa dette jusqu'à ce qu'elle soit payée pour lui. L'âme du croyant, elle est accrochée à sa dette jusqu'à ce qu'elle soit payée pour lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam également informe que la personne ne pourra entrer au paradis car elle est prisonnière de sa dette jusqu'à ce qu'elle s'en acquitte. De là on voit clairement, ya ibadallah, que l'endettement, que le fait de s'endetter peut être une calamité, ça peut être une cause de tristesse, une cause d'angoisse, ça peut être un péril et ça peut être également une affaire qui peut être extrêmement grave et qui peut avoir des conséquences désastreuses sur la personne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous guide vers le fait de rechercher refuge dans nos invocations, de demander à Allah azza wa jal, eh bien, de nous permettre de rembourser nos dettes ou également de nous en préserver, de préserver, de demander aux gens, Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad, askal bariya fi ajma'in, wa rasuli rabbil alamin, wa radallahumma an khulafai rashidin, الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا ومن فتنة الممات اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا ضالا إلا هديته ولا شابا إلا أصلحته ولا مبتلا إلا عافيته ولا عدوا إلا خذلته برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.